Nous allons donc écouter Monsieur Jean-Paul Thibault. Comment vous allongez pas ? Alors, ce que je vais présenter va être beaucoup plus court et beaucoup plus raide que ce qu'a présenté Olfa. On va réentendre en fait beaucoup de choses d'une certaine manière, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses qui vont se répondre. Alors au début, j'avais intitulé l'intervention « La musique des sphères » en pensant intervenir sur très précisément le phonotope, une des 9 dimensions. Et puis en fait, je ne l'ai pas fait, bien qu'il y aurait, je pense, une vraie matière, parce qu'on voit apparaître la question du son à plein d'endroits différents dans ces propositions-là. Alors, que ce soit au moment où il parle du phonotope, mais à d'autres moments, dans le tome 1, par exemple, quand il fait une relecture du chant des sirènes, il y a plein d'endroits où on voit apparaître le son, et je pense qu'il y aurait vraiment matière à prendre cette dimension-là, mais comme plein d'autres, en fait, pour essayer de rentrer dedans. Et puis, je ne l'ai pas fait, et j'ai fait autre chose, je me suis demandé si je devais me dire après tout comment je comprends cette œuvre monumentale, hein, 2000 pages, 3 tomes énormes, etc. Tout ça à dire en 10 minutes, un quart d'heure, enfin bref, comment j'ai compris tout ça, avec des questions de traduction, bon, c'est immense évidemment. Je me suis limité à 5 points, qui pour moi sont un peu des points, un peu des balises, pour essayer de comprendre un peu les propositions de cette philosophie-là, de ce que j'en ai compris en tout cas, et de ce qui me paraît pouvoir mener d'une certaine manière du côté des ambiances. Donc je ne vais pas aborder les ambiances, je vais terminer dessus en laissant ouvert la question, donc ça sera facile. Mais plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il nous raconte, et qu'est-ce qu'il y a d'original et sans doute d'important ou d'intéressant à discuter. Alors, 5 points que j'ai essayé de nommer à chaque fois. Le premier point s'intitule « Où est le là ?» ou « Comment l'être humain est nécessairement immergé quelque part ?» Alors, il me semble que ce sont des propositions ou des questions que se pose Sloterdijk, et comment est-ce qu'il y répond et comment est-ce qu'il avance dessus. Comment l'être humain est nécessairement immergé quelque part ? Donc c'est une proposition de départ, d'ordre philosophique évidemment, qui revient à Heidegger, qui est un des points des philosophes de départ, en fait, pour lui. Et Olfa en a déjà beaucoup parlé sur la question de l'être dans le monde, qui se trouve dans Être et Temps, chez Heidegger. Et Sloterdijk revient à la question de l'être là, hein, pour les germanistes comme Pascaline, le Dasein. Être là, que traduit de différentes manières, mais c'est une des traductions possibles. Et donc, Sloterdijk part en fait de ce questionnement de Heidegger sur l'être là, l'être dans le monde, mais il se pose une question à partir de là, c'est-à-dire être là, oui, d'accord, mais où ? Si on dit là, est-ce que Heidegger répond de où ? Alors, il se pose la question du où, je crois, Sloterdijk. Être là, ça va bien, mais bon. Alors, où sommes-nous lorsque nous sommes dans le monde, d'une certaine manière ? Il me semble que c'est une des questions que se pose Sloterdijk dans sa pensée et dans la façon qu'il a de reprendre Heidegger. Donc la réponse de Sloterdijk va être de dire, précisément, nous sommes dans des sphères. Où ? Nous sommes dans des sphères. Dans des enveloppes, dans des atmosphères, peut-être dans des ambiances. On pourrait, poser la question. Donc, il va partir d'une affirmation de la constitution sphérique de l'existence humaine. L'être humain vit dans des sphères, et on pourrait parler d'une constitution sphérique de l'existence humaine. Il le dit dans le tome 1, par exemple, l'être dans des sphères constitue pour l'homme la situation fondamentale. Donc, c'est pas l'être dans le monde, pour le coup, c'est l'être dans des sphères pour lui. Constitue la situation fondamentale. Alors, ce qu'il y a d'intéressant chez Sloterdijk, c'est quand on le lit, on est engagé dans une double lecture. Une lecture à la fois d'ordre philosophique, alors évidemment, il va déployer toute la philosophie depuis Platon, Et on voit la relation en phénoménologie, bien sûr, avec Deleuze, avec Simondon, on va revenir dessus, avec Wilhelm Flusser, avec Walter Benjamin, enfin, tout un ensemble de philosophes qui sont convoqués. On voit apparaître à certains moments la citation d'Hermann Schmitz, qui est un philosophe allemand qui, pour le coup, est un de ceux qui a fondé la question des ambiances et des atmosphères. Tiens, mais c'est pas un hasard non plus. Bien, on a toute une pensée philosophique très forte, très originale, très déroutante, et en même temps, tout un ensemble de propositions d'ordre anthropologique. Et là, c'est pour ça qu'on en vient à beaucoup d'exemples concrets, de phénomènes empiriques, historiques. Voilà, Rolf en a donné quelques-uns. Donc on a une double lecture quand on le lit, où on est à la fois confronté à une pensée philosophique très comme ça déroutante, et en même temps plein d'exemples, de cas, de plongées dans des dimensions historiques qui appuient, qui assoient, qui fondent certaines propositions d'ordre philosophique. Donc on a un peu, on est toujours tiraillé ou engagé dans une double lecture avec des exemples très concrets qui aussi nous permettent de nous raccrocher un petit peu à ce qu'il nous raconte. Donc la première chose que je dirais quand on lit ces textes-là, c'est qu'on ne reste plus sur un plan très général et très abstrait, la question du Dasein chez Heidegger, ou de l'être dans le monde, vous voyez ces gros termes extrêmement difficiles, mais on va lire aussi des propositions qui permettent d'expliciter et de spécifier concrètement ce qu'il en est des choses, ce que nous raconte Sloterdijk. C'est la question du terrorisme atmosphérique, par exemple, que nous a présenté Olfa, ou des choses comme ça. Donc on est là dans des phénomènes historiques concrets et voilà qui font quelque chose. Donc là, c'est le premier point que je dirais. On sort d'une pensée purement abstraite pour articuler une pensée philosophique à des propositions anthropologiques. Deuxième point, que j'ai intitulé « L'être vulnérable » ou « Comment faire pour se protéger ?» Alors, là, évidemment, si on suit l'être dans des sphères de Sloterdijk, on va se demander tout de suite, évidemment, alors, qu'est-ce que c'est qu'une sphère ? C'est quoi ? De quoi elle nous parle ? Alors voilà ce qu'il nous dit, une des définitions parmi d'autres qu'on peut trouver dans sa trilogie, dans le tome 1, les sphères sont des structures morpho-immunologiques de l'espace. Alors qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Là, on voit apparaître, et on l'a déjà dit, une question très très importante, je crois, c'est l'idée d'immunité dans cette pensée-là. Les êtres humains sont fragiles, sont vulnérables. Pour vivre, ils doivent se forger des milieux qui les protègent. Ils se fabriquent des espaces intérieurs qui les mettent à l'abri. Et donc les sphères fonctionnent comme des espaces de protection contre l'extérieur. Donc je crois qu'il y a cette question-là, je trouve, de l'immunité qui est très très aussi importante. Pour comprendre la notion de sphère, c'est qu'on doit se protéger, l'être humain doit se protéger contre un extérieur, et pour se forge donc des milieux. Donc là, on voit apparaître l'importance de la thématique spatiale. Souvent, on met l'accent sur le temps, chez Heidegger, par exemple, la question du temps, évidemment, fondamentale. Là, on balance plutôt du côté de l'espace, et on voit bien comment l'espace va devenir une catégorie très importante, puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir penser la protection, la façon dont des sphères se produisent, se fabriquent, se déploient, etc. D'où la thématique des îles, dont a parlé Olfa, des processus d'insulation, de création des îles, fabrication des îles, et on voit donc apparaître dans cette pensée des sphères à trois échelles, si on pense en termes purement spatial, trois échelles. La microsphère, donc là c'est tout le tome 1, hein, qui s'intitule Bulle, le tome 1, où la microsphère c'est quoi ? C'est en gros la relation, le couple, entre le fœtus et le ventre, dans le ventre de sa mère. Donc là on est dans une pensée microscopique. Une très grande partie du tome 1 consiste à travailler sur cette question-là, donc de la microsphère. On a à l'autre bout La macrosphère, c'est le tome 2, Globe, où là, Sloterdijk va s'intéresser aux villes dans leur dimension large, voire à la Terre entière. Hein, c'est le globe. Et puis dans le tome 3, Écume, on a affaire à ce qu'il appelle une sphérologie plurielle, où là, il s'agit de penser plutôt le monde contemporain, le monde actuel, comme une multiplicité de sphères. C'est plein de petites sphères qui sont articulées entre elles, c'est vraiment l'image de l'écume, quoi. Comme on pense à l'écume, on pense à plein de petites bulles qui sont agencées les unes avec les autres, etc. Et donc là, on voit comment à penser le monde contemporain comme une pluralité de sphères, de bulles, etc. Troisième point que je retenais et qui me paraît très intéressant et qui est un point qui a, je pense, suscité beaucoup de discussions dans ces ouvrages précédents dont on parlait auparavant, c'est une proposition. Alors ça a été très bien résumé par je crois que c'est les Danois, qui s'appelle Henk Osterling, et c'est une proposition consistant à dire Dasein, donc l'être là, ist Design. Donc l'être là, l'homme, on pourrait dire l'être humain, est un designer. Ou alors, comment penser l'être humain comme un designer? Alors là, c'est une proposition très très forte, parce qu'on voit bien que cette pensée-là, elle a quelque chose à voir très très fortement avec le design, avec l'architecture, avec la création des milieux, etc. Et dans une école d'architecture, évidemment, ça nous intéresse. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte là, quand il nous dit ça sur le tournage? Il nous dit... Il ne faut pas se tromper et penser l'être humain comme préexistant et donné une fois pour toutes, puis se fabriquant ensuite des espaces ou des sphères qui le protégeraient. Il n'y aurait pas l'être humain d'abord, puis des sphères qui seraient à même de se fabriquer ensuite pour se protéger. Il faut plutôt penser l'être humain comme existant, se développant, se transformant en même temps, en même temps qu'il s'immunise contre l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il nous raconte qu'il n'est pas possible de distinguer l'humain de son habitat, l'homme ou l'être humain de son environnement. Et là on arrive à une proposition, je trouve, très, très forte. Avec les sphères, on a affaire à des processus d'individuation. Et ça, on retrouve certainement, c'est d'une certaine manière la pensée de Gilbert Simondon par d'autres biais. C'est-à-dire que l'individu n'est pas au centre des choses, mais est simplement une émergence. C'est une émergence. L'être humain, et c'est ce qui a suscité beaucoup de discussions, qui est difficile à comprendre et à admettre, l'être humain est un effet des sphères qu'il se fabrique lui-même. Alors, plusieurs façons de redire les choses. L'être humain est un effet des sphères qu'il se fabrique lui-même. L'être humain n'a d'existence que selon et à partir du milieu qu'il s'est lui-même formé. Alors oui, cette façon de réfléchir, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une nature humaine comme ça de toute éternité, non. L'être humain n'a d'existence qu'à partir du milieu que lui-même est à même de se fabriquer. Et donc, selon les milieux qu'il se fabrique, l'être humain peut devenir de différentes manières. D'où deux conséquences importantes. L'importance des systèmes techniques qui assurent notre protection, de l'architecture, de la matérialité, qui participent de notre existence. Donc c'est par la technique, par la matérialité qu'on arrive à se protéger et qu'on arrive donc à s'auto-créer et s'auto-transformer. On est dans un devenir, l'être humain est dans un devenir, il n'est pas donné une fois pour toutes. Alors ça suscite évidemment beaucoup de discussions et de réactions et de polémiques, cette question-là. Comment l'être humain c'est quand même un donné? Non, c'est pas un donné. C'est une émergence à partir d'un milieu que nous-mêmes nous nous formons. Et deuxième conséquence, c'est évidemment une remise en cause de l'humanisme. Il n'y a pas de nature humaine, nue, pure, puisque pour vivre ou pour survivre, l'être humain est toujours équipé, enchâssé, encastré dans des sphères. Hein, d'où l'importance de cette dimension dyadique, de la relation. L'être humain n'est pas donné une fois pour toutes, il est toujours enchâssé dans des systèmes matériels, techniques, qui participent de son existence. Donc il n'y a pas d'individu séparé, autonome, par rapport à un milieu qu'il s'est lui-même formé et qu'il est capable lui-même de se former, voire de transformer, et donc de s'auto-transformer par la même. Donc ça, c'est un point, je pense, dans ses ouvrages précédents aussi, qui a suscité beaucoup de polémiques, puisqu'il va à l'encontre. Et c'est à partir de cette question-là qu'il y a eu la polémique avec Habermas, par exemple, un autre philosophe allemand, sur la nature même de ce que c'est que l'humanisme ou pas, est-ce qu'il faut être humaniste ou pas, et qu'en est-il, en fait, de la nature ou pas de l'être humain. J'en arrive au quatrième point, ou des sphères à l'atmosphère, et enfin, on a beaucoup parlé, donc on a déjà tout dit, donc ça, vous avez déjà tout compris. Comment la question de l'air devient explicite? Bon, mais tu l'as déjà très bien, et bien mieux que moi à montrer. Hein. Comment l'air acquiert un statut tout particulier quand on s'intéresse au monde moderne? L'air, à un moment donné, et au moment de la modernité en particulier, l'air acquiert un statut particulier. Alors, pourquoi? Parce que l'air devient un instrument de guerre, c'est ce que tu nous disais, c'est la guerre du gaz, c'est le fait qu'on réalise la vulnérabilité humaine à l'air. L'air est une menace par rapport à l'être humain, et en même temps, un constat d'ordre plus historique, le constat selon lequel l'aménagement de l'air et la fabrication des atmosphères sont devenus un aspect essentiel de notre temps, de la fabrication des sphères contemporaines. Quand on regarde comment évolue notre monde, un constat que fait ce sondage, c'est qu'effectivement, on va être à même de plus en plus de designer des atmosphères. Donc l'air acquiert un statut très particulier. Et c'est là où il me semble, je pense qu'il y a différentes manières de comprendre ce qu'il nous raconte par un terme qui me paraît très très important, c'est le terme explicitation. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'époque moderne, on s'aperçoit que l'air n'est pas un allant de soi, ne va plus de soi, puisqu'on peut en mourir, puisqu'on le design, etc. Et donc ce qui était un donné, ce qui allait pour de soi, ce qui était à l'arrière-plan, sans questionner pas, devient pour le coup manifeste et problématique. Donc c'est ce que, moi je l'ai compris comme ça, cette idée d'explicitation, c'est à un moment de l'histoire où une donnée particulière, enfin, qui passait pour une donnée comme allant de soi, l'air, on ne se pose pas la question de l'air, etc., ben, on respire, on vit avec et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. À un moment donné, devient problème. On s'aperçoit que la guerre des gaz, effectivement, fait qu'on peut en mourir. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de problématique. Et donc, on va mettre au premier plan l'air, ce qui avant était tenu pour acquis, comme allant de soi. Donc, nous prenons conscience de l'air comme une condition fondamentale de notre existence. Les sphères dans lesquelles nous vivons sont composées d'air. Donc c'est toute la thématique de l'air design qu'il va mettre en œuvre. Et nous fabriquons donc nos intérieurs en agissant sur l'air, au sens large du terme. Donc là, il y a plusieurs expressions qu'il met, par exemple, dans le tome 3. Il nous dit, il nous parle de l'élévation de l'atmosphérique au rang de théorie. Il me semble que c'est un peu ce qu'il cherche à faire, d'élever l'atmosphérique au rang de théorie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire une théorie de l'atmosphère et de l'atmosphérique. Et je me sens que dans sa trilogie, c'est quand même, ça va de ce côté-là, quoi. Dans un autre ouvrage, il parle d'une théorie formelle du climat. Donc on voit bien comment cette explicitation-là, il vise à l'asseoir conceptuellement, philosophiquement, ontologiquement, et de se dire, c'est peut-être. Et là, pour le coup, on change d'ontologie. C'est-à-dire que l'ontologie qui était jusqu'à présent très très fondée sur une ontologie de la chose, de la substance, n'existe que ce qui est en dur, que ce qui est palpable, etc. Et bien, on va passer à une ontologie de la relation. du contact, de l'antre, de la légèreté, etc. Donc qui va précisément permettre à certains âges d'asseoir cette proposition d'une théorie de l'atmosphérique, qu'on change d'ontologie, quoi, du coup, et donc on change aussi de façon de concevoir l'espace et l'architecture, pour le coup, quoi, il me semble. Donc voilà cette idée d'explicitation qui est un mouvement de l'histoire où à un moment donné on prend conscience que l'air va être une catégorie fondamentale. Et bien sûr, Éric Garrec avait pensé l'air de la même manière dans perspective phénoménologique en disant ben oui, bon. Donc il y a évidemment cette idée-là. Et puis dernier point, renversement de l'environnement ou comment on en arrive aux ambiances. Alors, une conséquence de toute cette perspective, c'est que nous ne sommes jamais complètement dehors. Et pour le coup, là, on pourrait revenir à la belle enquête sur les brouillards. L'air que nous respirons est déjà un intérieur que nous fabriquons et qui nous permet de vivre. Donc, cette théorie de la fabrication des intérieurs, l'insulation, nous conduit à un renversement. Il ne s'agit plus de construire des édifices dans une atmosphère, donc des bâtiments dans un milieu, mais de fabriquer une atmosphère à l'intérieur des édifices. À chaque fois qu'on conçoit un espace, on conçoit aussi par les mêmes les atmosphères qui en font partie. Et donc là, c'est très très intéressant. Il me semble qu'on se rapproche un peu de la question des ambiances. Où c'est là où Sloterdijk va s'appuyer sur la théorie des îles hein, qu'a décrit Olfa, où il nous dit « Ce qui nous intéresse, c'est une théorie sphérologique de l'île à l'aide de laquelle on peut montrer comment les mondes intérieurs animés, et j'insiste sur animés, deviennent possibles. » Donc une théorie sphérologique de l'île, à l'aide de laquelle on peut montrer comment les mondes intérieurs animés deviennent possibles. Donc l'île va être présentée comme le modèle de monde dans le monde, une sorte de microcosme. Alors on a déjà décrit les trois types d'îles, absolue, atmosphérique et anthropogène, où il me semble, et ça c'est la question, quoi, l'île anthropogène qui évidemment la met en avant et met au premier plan plutôt les facteurs humains de l'insulation, va correspondre à la production d'espaces intérieurs que lui qualifie d'animé. Alors jusqu'à présent, on était resté plutôt dans une dimension physique, atmosphérique et physique. Là, on voit rentrer des individus dedans et on voit comment les neuf dimensions qu'on a vues concernent très précisément la façon dont nous parvenons à vivre ensemble dans des intérieurs qui sont aménagés et comment, question, les ambiances constituerait autant de mondes habitables à la 9 dimensions, d'où la question que je posais à Olfa tout à l'heure pour démarrer, c'est-à-dire que est-ce que ces espaces intérieurs animés, c'est en fait des ambiances, ou correspondent à des ambiances, et jusqu'où ou pas, et voilà, comment est-ce que le fait de passer par cette dimension anthropogène nous conduit à nous questionner sur la façon de vivre ensemble dans des mondes habitables et comment l'air devient une des dimensions qui participent de cette animation, mais avec lequel on fait avec, puisqu'il y a plein plein d'autres choses qui tournent autour, quoi. Voilà. Merci. Merci. Alors. Est-ce que quelqu'un aurait une question ou... En fait, moi je vais poser une question par rapport aux trois types d'îles que vous citez à la fin, île absolue et anthropogène, et la troisième, c'est atmosphérique et anthropogène. Oui. C'est ce qu'il dit lui-même. C'est quoi la différence entre les trois îles? Parce que je crois que j'ai pas entendu en fait, ça tout à l'heure. Je peux répondre à ouais, vas-y. Place. Non, mais si tu veux... Non, je t'en prie. En fait, le principe de l'île, l'idée même de l'île, c'est l'isolation. Et donc, l'île absolue, c'est l'île, c'est la capsule spatiale, la station spatiale, qui est absolument isolée. Puisque physiquement, si tu mets une capsule dans le vide, si elle n'est pas absolument isolée, tu ne pourras rien faire. Et c'est ça un petit peu d'ailleurs qui... parce que moi je pensais que tu parlais de ce type de prothèse, parce que Sloterdijk est un adepte de la prothétique et il estime que la seule chose qu'on comprend vraiment, c'est la chose qu'on arrive à répéter. Or, pour lui, en quoi l'île absolue, le vol spatial est une œuvre philosophique, c'est parce qu'elle pousse à l'explicitation absolue, à côté de l'aspect ingénieré, à côté de l'aspect conquête du monde. Après, la deuxième île, c'est l'île atmosphérique. Et donc, l'île atmosphérique, pour lui, c'est aussi la serre. Donc, il prend un peu le modèle de la serre, qui, contrairement à l'île absolue, n'est pas complète. C'est une île à caractère relatif, elle n'est pas complètement isolée, puisque déjà elle est sur un sol, donc le côté, une serre s'est posée sur un sol, donc c'est pas complètement isolé. Et ça permet de... Pourquoi il l'appelle atmosphérique? Parce que justement, par rapport à tout ce qu'on a vu sur la littérature de la serre, ça a toujours été des îles qui sont là pour générer un climat. Ou alors pourquoi on se rapproche de la vie par rapport à l'île absolue, c'est que on essaye d'y faire se développer la vie, c'est-à-dire que les plantes elles vont pousser, elles vont on va les cultiver, etc. Ce qui n'est pas possible sur une capsule dans une navette spatiale. Et donc ça renvoie à tout le côté climatologique peut-être plus que l'aspect uniquement isolateur, qui est plus celui de l'île absolue. Et le troisième type d'île, c'est ce qu'il appelle les îles anthropogènes, c'est l'île où ce sont des facteurs humains, et non des murs de... Enfin, c'est l'humain qui fabrique son isolation, pas ce qu'il a... Donc quand on dit qu'on a... la cloche acoustique de l'île anthropogène, c'est pas le bruit de la sono, c'est les bruits des femmes qui vaquent à leurs occupations, le bruit du prêtre qui fait je sais pas quoi, des enfants qui crient, etc. Et donc finalement, par exemple pour le cas du phonotope, les bruits des personnes, leur langue, le fait qu'ils parlent la même langue, que si moi j'arrive je ne la comprends pas, mais que pour eux c'est rien du tout, finalement ça crée cette chose qui fait qu'ils se sentent appartenir au même groupe, et du coup le fait même d'appartenir au même groupe crée une distance par rapport à l'autre. Moi je parle ici du phonotope par exemple. Et donc finalement toutes ces dimensions qu'il met, en fait elles sont justement, je reviens à la dimension dont parle Jean-Paul, et qui est de dire que l'homme se crée en même temps qu'il fabrique des îles. Donc finalement, ces éléments qui créent de la distance, elles sont à la fois créatrices d'îles et créatrices d'hommes, puisque l'île qui est créée par la distance qu'installe l'homme est en même temps celle qui crée l'homme. Donc on est complètement dans un rapport. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que il dit qui habite l'île. Il y a déjà un homme qui est la conscience de l'île. C'est que quelque part aussi l'île se crée parce qu'elle est potentiellement déjà pleine de quelque chose qui serait un germe d'homme. Donc voilà. J'ai peut-être un peu dépassé, mais voilà les trois. D'accord. Merci, c'est clair. Merci Jean-Paul, c'était vraiment super, super clair. Oui, on voit bien par rapport à ton point 4, la relation notamment avec la tour, c'est central chez lui, donc il s'agit en quelque sorte de repeupler le monde avec les objets, contre l'anthropocentrisme un petit peu, enfin, c'est ça que je comprends. Ouais. On ne peut pas faire sans les objets, sans la technique. Et en l'occurrence l'architecture est centrale, ouais. C'est bien ce que tu disais, c'est ce dont on va discuter peut-être tout à l'heure avec le texte que tu nous as passé. Et du coup, je me demandais en quoi il y avait aussi dialogue avec ou non J'en sais rien du tout. Mais ou non, avec une autre façon de poser les choses, d'arriver à une ontologie de la relation, mais à partir du vivant plutôt que des choses. Et on peut penser au bouquin d'Emmanuel Cotchia là, sur la vie des plantes, là, où c'est bien aussi ça qui est en jeu, mais je pensais plus à ce qu'était venu nous présenter là, au mois de juin, je crois, là, notre collègue Catherine Sobjoul, dans le séminaire Apparaître, c'était la question de ce geste actuel assez qui tourne autour de Donna Haraway notamment, ou d'Isabelle Stengers, et puis de pas mal de biologistes qui parlent de sim-ontologie, ontologie de la symbiose, de la sympoiesis, enfin tout ce qui implique le sim quoi, pour le développement du vivant. Je sais pas si toi tu sais, est-ce qu'il y a dialogue, parce que c'est pas tant le vivant là qui est en jeu, je crois, hein. C'est vrai. Moi, je trouve qu'il en parle assez peu du vivant ou des animaux, etc. Il en parle peu, mais on pourrait le lire d'une certaine manière. On pourrait lire de la même manière ce qu'il raconte sur la technique et sur la matérialité, comme ce qu'il dit sur les animaux. C'est-à-dire que l'homme est capable de se fabriquer des milieux, de transformer ces milieux qui lui permettent de vivre. Et donc les milieux, c'est aussi les animaux qui sont nécessaires à sa survie, à sa vie, à sa survie. Mais je te trouve, il en parle très peu. Enfin, je ne sais pas si tu as vu des choses, mais les animaux, enfin, cette question-là, il en parle, ouais, très peu. Enfin, je ne les vois pas paraître. Je crois d'ailleurs que dans ce travers, presque, je dirais, il est très heideggerien. Parce qu'on a beaucoup reproché à Heidegger d'avoir complètement... pas du tout pris en considération l'être au monde animal. Et quelque part, c'est drôle parce que en fait, il va presque donner plus d'importance aux choses, aux objets, aux animaux. C'est vrai qu'il parle pas du tout. Même sur la question de la vulnérabilité, par exemple, parce que ça pourrait être vulnérabilité, on pourrait penser aux relations avec les animaux, etc. Ouais. Et même il n'est pas. Enfin, moi, j'ai pas lu de choses sur le débat est-ce que l'être humain est un animal, est-ce que le monde de l'animal et le monde de l'être humain est le même ou non. Fondamentalement, il y a des différences. Il n'y a pas de position. Oui, quand même, devenir humain, c'est l'incapacité acquise de rester animal. Oui, donc quand même. Donc il est quand même du côté de Heidegger là-dessus. Oui, oui. Ouais. Ça, je n'ai pas lu du tout. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est lui. C'est comme la démocratie vient avec la philosophie et tout ça. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Mais d'où aussi l'importance des prothèses, effectivement. Ouais. C'est juste que raconte, quoi. C'est évidemment. Et la tour, c'est vrai que se situe vraiment très très proche de... Enfin, dans les textes, c'est écrit, hein, de façon très très clairement du côté de Sloterdijk. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, j'étais Sloterdijkien avant même de l'avoir lu, quoi. C'est-à-dire que ses positions se rencontrent très fortement. Et Sloterdijk était latourien avant même de l'avoir lu. Oui, c'est-à-dire que les réseaux et la sphère, c'est les sphères. Dans l'article que tu m'avais envoyé, la tour dit... les sphères de Peter, les sphères de Peter et mes réseaux sont deux chemins différents pour décrire les monades. Et par rapport à ce que tu disais sur l'explicitation, il y a un moment donné où il dit en fait la Terre est un conteneur qui a été livré sans mode d'emploi. Et pour le moment, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, on croit que c'est un conteneur naturel, alors que même l'air qu'on respire, on est obligé de le réchauffer pour pouvoir... tout est artificiel, en fait. Donc il faut à chaque fois expliciter et transformer. Et alors, je peux encore poser une question. Oui, tu as voulu insister sur cette question d'espace intérieur animé. Ouais. Et du coup, la question que je me posais, c'est qui est l'agent de l'animation ? Si je comprends bien, c'est l'homme, enfin l'être humain, pardon, pas l'homme. Ben, l'être humain, puisqu'il se développe en même temps que l'enveloppe, enfin, la sphère, tout ça. C'est ça, hein. Oui, ouais. C'est pour ça que je me disais. Cette question qui dit les mondes intérieurs animés, c'est là où du coup ça, je me dis, mais alors du coup, est-ce que ça quelque chose du côté de l'ambiance, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à des espaces qui sont des espaces isolés, etc., des îles d'ordre purement physique, etc., mais on a bien affaire à ce que tu disais sur les cloches sonosphériques, par exemple, voilà, ou sonacoustiques. On a affaire à comment est-ce que des êtres humains parviennent à vivre ensemble dans des espaces qui sont des espaces clos, d'une certaine manière. Et c'est là où je me dis, il y a vraiment. Du coup, les 9 dimensions prennent sens, quoi. Mais en plus, je pense que. Peut-être. Hein, d'abord, quand on parle d'espace intérieur animé, vu que toute cellule est en même temps. Sujette à toute cellule où il y a au moins même une personne, on l'a vu déjà sujette à cette avec une cellule qu'on peut analyser selon ces 9 dimensions. Je pense que là le côté l'idée de l'écume devient très importante parce que l'écume c'est à la fois notre fragilité, mais c'est aussi mais il n'y a plus de notre, puisque notre fragilité, c'est la fragilité de notre bulle d'air, de ce qui nous. Notre fragilité, c'est aussi le fait que cette écume est toujours en train d'exploser et de se recomposer. Et donc, nous vivons continuellement dans des recompositions permanentes. Donc, finalement, tout est toujours. Et je pense que la fragilité, d'ailleurs, c'est un thème. Fragilité, immunité, c'est un thème complètement qui plombe presque l'ambiance du livre. C'est à la fois angoissant, à la fois un univers un petit peu angoissant, et en même temps un univers extrêmement dynamique où. On le voit, c'est ce qui nous permet d'ailleurs de rester toujours dans la bulle en changeant de configuration, de situation, de vie. Tout à fait. Et donc, parce qu'en fait, alors, par rapport à. Donc, si c'est bien l'humain qui est l'agent de l'animation de ces espaces intérieurs, c'est aussi pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est là où il y a une pensée donc, du pouvoir, enfin c'est pas forcément, il y a la question, ce balancement tyrannie, démocratie et du côté des ambiances, la question de l'aseptisation par exemple, c'est-à-dire qu'il y a aussi les espaces intérieurs qui sont imposés par un pouvoir ou je ne sais quoi, enfin quelque chose de, non mais ça c'est... La question du pouvoir, je trouve, on la voit mais c'est assez présent quand même, ce côté. Tu la vois aussi l'enslavement, le côté qu'on est esclave des mondes qu'on crée aussi, quoi. Oui, alors ça, c'est très apparent dans l'article sur l'immersion, là. Oui, mais les mondes qu'on t'impose. Non ? Comment ? Les mondes qu'on t'impose. Oui, mais c'est ça. Oui, aussi. Il y a ceux que tu crées, ceux que tu t'imposes toi. Dans lesquels on s'enferme nous-mêmes, voilà. Ouais. Et puis, c'est qu'on subit. Enfin, ouais. Il y a aussi cette dimension de ce confort qu'on se crée qui nous permet de ne pas regarder ce qu'on ne veut pas voir. Oui, c'est ça, des esclaves des espaces que nous-mêmes nous choisissons d'avoir. Quoi. Ce qui dit bien dans l'article sur l'immersion, quoi. On dit l'architecture est totalitaire, quoi. Il va très loin. C'est un peu ça, quoi. Ouais. On va se dire, il y a des propositions, ces propositions elles ont des effets, elles nous forment, et maintenant, donc il y a une responsabilité, là, pour le coup. Ouais. Mais il parle aussi justement dans la question des écumes, il parle par exemple des conflits d'ambiance, à un moment donné, il donne le terme, conflits d'ambiance, il montre que, évidemment, il y a aussi, et il parle voilà, des choses par rapport au phonotope, quoi. Et à Weizmann, en particulier, voilà, il y a des conflits d'ambiance, parce qu'on vit aussi dans des bulles qui peuvent aussi être pas forcément compatibles, ou pas forcément. Il y a un jeu de mots un peu, il dit man wohnt in dem man sich gewöhnt, gewöhnt, c'est s'habituer, on habite, pense qu'on s'habitue quoi. Ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est qu'il en parle justement dans le phonotope. C'est quand il dit, en fait, ben là, on habite dans des cloches acoustiques comme ça, et en fait, ça c'est implicite, c'est-à-dire qu'on les habite et on les vit, donc on vit dans un milieu sonore qu'on a intégré, et, dans lequel on s'est imprégné, mais on l'a incorporé, donc ça fait partie de nous, quoi, donc c'est cette idée-là, que se construit des milieux qui nous forment, qui... Et donc, lui, sa façon de formuler les choses, en fait, je trouve, consiste à prendre un peu du recul, comme s'il se situait un peu en surplomb, et qu'il regardait un monde, et qu'il regardait en fait des êtres humains qui sont là, qui sont en fait habitués justement dans à des milieux, etc., mais dans lesquels ils sont tellement plongés que, voilà, c'est implicite, quoi. Tout ça, beaucoup de choses est implicite. Et, oui, d'ailleurs, quand il fait l'analyse des appartements, il dit, enfin pas des appartements, du lieu d'habitat d'une façon générale, il dit, enfin il y a une série de choses, et puis il dit la maison est un espace à habituation et un espace à accueillir des habitudes, c'est-à-dire qu'on va essayer de réinstaller, c'est là comme si on reprend l'hétérotope, installer des habitudes. Et donc c'est vraiment la question, et on habite, je crois que c'est ce que dit. Pascaline, on n'habite que les lieux qu'on finit par ne plus regarder. C'est-à-dire qu'on est complètement habitué à ces endroits-là. Donc la question de l'habitude, elle est extrêmement... Et de l'immersion, du coup, qui apparaît.